Culture. La Radio France Culture. Le feu teinte dans les cloches. Vous écoutez. Douce est la parole. France Culture. La Radio. La clé des nuits légères enchaînées au cœur des. Vous écoutez France Culture. Vous écoutez France Culture. Vivez avec France Culture. L'éloge du savoir. Éloge du savoir. Aujourd'hui, la cité de la musique. Maître de recherche au laboratoire de psychologie clinique et de psychopathologie de Paris 5, Marie-France Castarède est psychanalyste. Pour elle, la mélodie de la voix est la toute première forme de l'expression du lien affectif, le trait sonore primitif qui continue d'unir le bébé à sa mère. Le chant et la musique en représentent une élaboration transculturelle toujours présente et toujours renouvelée, et la vive voix n'est ni lettre morte ni langue de bois. Elle pense en effet que l'art et la culture jouent un rôle important dans le développement individuel depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Il s'agit de définir leur place dans l'économie psychique du sujet. Les notions de réparation, d'espace potentiel, d'air de l'expérience culturelle et de sublimation pourront être revisitées et approfondies. Dans la petite enfance, les interactions transmodales servent de point de départ à l'éveil esthétique et artistique. Marie-France Castarède a beaucoup écrit sur la voix, et c'est la raison pour laquelle, dans sa série de conférences consacrées à l'écoute, la Cité de la musique lui a demandé d'intervenir. Cette intervention, prononcée le mardi 5 avril, s'intitule « L'écoute psychanalytique, écoute musicale ». Nous allons l'entendre ce matin. Voici comment Marie-France Castarède l'a présentée. Dans l'écoute psychanalytique, il y a les mots du patient, mais aussi sa voix. La psychanalyse est un jeu à deux voix et l'écoute psychanalytique est musicale dans la mesure où elle tient compte de l'échange entre deux voix où s'entendent les affects et les émotions. Bonjour. L'écoute psychanalytique et musicale, tel est le titre quelque peu remanié de ma conférence. Je vous invite à penser avec moi les liens entre la psychanalyse et la musique. Et vous remercie d'être venu en cet après-midi printanière pour m'écouter. Le paradoxe est que l'écoute psychanalytique, comme l'écoute musicale, est une écoute dans le silence. En disant ceci, je ne dis pas que l'analyste reste silencieux, mais je rapproche l'expérience psychanalytique de l'expérience musicale. La musique naît lorsque nous avons fait silence en nous, lorsque le tapage et le bavardage du monde extérieur se sont tus. De même, la séance d'analyse ou de psychothérapie ne peut se dérouler que lorsque les deux partenaires, analystes et analysants, ont fait taire les rumeurs qui bruissent autour de chacun d'eux. L'écoute, ce jeu à deux voix, ne s'établit que dans une forme de recueillement. Silence, parole, ces deux formes d'expression s'entremêlent et se nouent, la parole ayant besoin du silence pour se faire vraiment entendre. Merci du vôtre. Dans une première partie, j'expliquerai rapidement les rapports entre Freud, l'inventeur de la psychanalyse, et la musique. Dans une deuxième partie, je raconterai pourquoi et comment, aujourd'hui, nous trouvons, à la différence de Freud, des affinités entre la musique et la psychanalyse. Enfin, dans une troisième partie, je dirai plus précisément comment nous pouvons écouter nos patients, certains avec une oreille musicale, d'autres sans. Vous déciderez lesquels ont votre préférence. Je vais donc d'abord parler de Freud et de la musique. Freud s'affirmait « ganz unmusikali », totalement non-musicien. Lui qui habite à Vienne, la capitale musicale de l'Europe, pendant une grande partie de sa vie. Avant Vienne, Freud a passé ses premières années d'enfance en Moravie, à Freiberg, où il est né en 1856. Mais il a refoulé la langue tchèque, comme la voix maternelle. Freud a comparé l'inconscient à une langue étrangère. Il semblerait qu'il ait précisément refoulé la langue étrangère, le tchèque, comme si ses souvenirs précoces sonore, était frappée d'amnésie. On dit que sa mère Amalia était une bonne musicienne. Elle a sûrement chanté pour son fils premier-né, qu'elle aima tout particulièrement, lui qu'elle appelait son Sigi en or. Freud a refoulé, c'est-à-dire oublié. Reprenant une classification de Charcot, Freud se donne, non comme un auditif, mais comme un visuel. Il écrit « En ce qui me concerne, tous mes souvenirs d'enfance sont uniquement de caractère visuel. Ce sont des scènes élaborées sous une forme plastique. » Pour lui, l'œil a une fonction de connaissance et d'élaboration scientifique. Ainsi, il s'intéressera aux arts de la vue, la peinture à travers son étude de Léonard de Vinci, la sculpture à travers le Moïse de Michel-Ange. Bien sûr, le théâtre, la littérature occupent une place de choix dans ses inclinations. Le théâtre grec, par exemple, l'Édipe roi de Sophocle, ou le théâtre de Shakespeare, Hamlet ou le roi Lear. Ses goûts littéraires sont éclectiques, Goethe, Dostoïevski, etc. En ce qui concerne la musique, ses allusions sont pauvres. Il est familier de certains opéras comme Don Juan ou Les Noces de Figaro de Mozart, mais il ne sait parler que du livret. Lors d'un voyage à Rome, il écoute Carmen, mais ses commentaires sont très anecdotiques. En fait, il se défie de la musique et de son potentiel affectif. Freud a toujours aimé mettre en valeur le pouvoir de maîtriser les passions. Il est un visuel, c'est-à-dire épris de l'observation et du rationnel de la science. À travers son ambition pour la psychanalyse, il n'a cessé de croire en la capacité de la raison à maîtriser l'inconscient et le pulsionnel. Il comparait le travail psychanalytique avec ses patients à l'exercice du cavalier qui doit discipliner sa monture et la conduire où il veut. « Là où était le ça, écrit-il, doit advenir le moi. Le ça est le pôle irrationnel et pulsionnel de la personnalité, alors que le moi représente le contrôle défensif. » Les disciples de Freud, à l'exception de Theodor Reich, n'ont pas été bavards sur la musique. Il faut attendre la psychanalyse contemporaine pour que les liens avec la musique soient reconnus à travers l'affect, la voix et la relation au temps. Donc je vais maintenant, dans une deuxième partie, développer les affinités entre la musique et la psychanalyse. Ma première proposition, la musique et la psychanalyse ont en commun de s'adresser à nos affects. L'affect est un terme qui appartient à la terminologie psychanalytique et procède du mot allemand « affect ». Il a été choisi par les traducteurs de Freud en français, préférentiellement au mot « émotion », car il caractérise l'état affectif élémentaire. Plus précisément, l'affect est une des modalités d'expression de la pulsion étant ce qui nous dirige inconsciemment. La musique va être redécouverte dans ses liens avec la psychanalyse précisément grâce à l'affect. Jacques Lacan s'intéresse à la voix comme objet pulsionnel. De même que Didier Anzieux écrit un remarquable article sur l'enveloppe sonore du soi. Mais ni l'un ni l'autre ne parleront spécifiquement de la musique. C'est André Green, psychanalyste d'aujourd'hui, qui en 1973 se démarque de Lacan dans son livre « Le discours vivant ». Il écrit « Je n'eus pas de peine à découvrir que la théorie lacanienne était fondée sur une exclusion, un oubli de l'affect. » Il poursuit « Nous désignerons donc par affect un terme catégoriel groupant tous les aspects subjectifs qualitatifs de la vie émotionnelle au sens large. » Pour lui, l'affect représente le versant interne de la décharge, à l'intérieur duquel les perceptions restent le plus souvent globales, confuses, à l'opposé des perceptions externes. Or, la musique nous convoque pour une décharge intime, car elle nous prend par une émotion corporelle. Écoutons le poète. « La musique souvent me prend comme une mer. Vers ma pâle étoile, sous un plafond de brume ou dans un vaste éther, je mets à la voile. La poitrine en avant et les poumons gonflés comme de la toile, j'escalade le dos des flots amoncelés que la nuit me voile. Je sens vibrer en moi toutes les passions d'un vaisseau qui souffre, le bon vent, la tempête et ses convulsions sur l'immense gouffre me bercent. D'autres fois, calme plat, grand miroir de mon désespoir. » Vous avez reconnu la musique extrait des Fleurs du Mal de Baudelaire. Ainsi s'exprime Baudelaire, traduisant ce souffle de la musique qui nous entraîne au gré du vent, dans un voyage avec nos affects et tend notre corps comme la voile d'un bateau. La décharge de l'affect se produit bien dans la périphérie du corps, comme le note Baudelaire. Ainsi, la musique nous parle de rien, sauf de nos affects. Parce que la musique est d'essence affective et irrationnelle, elle est polysémique. Même quand elle se mêle au texte, elle n'est jamais, contrairement au langage, dénotative ou lexicale. C'est la raison pour laquelle un même poème ou un même texte peut se prêter à une infinité de musiques. Par exemple, les mêmes poèmes de Verlaine ont été mis en musique aussi bien par Debussy que par Fauré. C'est aussi la raison pour laquelle on ne peut jamais définir ou nommer non seulement le contenu de la musique, mais le schéma affectif exact auquel elle se rapporte. Ainsi, le philosophe Vladimir Yankelevitch déclare « Entre les sentiments contradictoires, la musique n'est pas tenue d'opter, et elle compose avec eux, au mépris de l'alternative, un état d'âme unique, un état d'âme ambivalent et toujours indéfinissable. » Fin de citation. C'est ce qu'il appelle l'espressivo inexpressif. Cette indistinction explique, du côté de l'auditeur, le pluralisme des goûts et l'infinité des réactions, même s'il y a des patterns communs. La musique fait donc résonner et vibrer nos affects grâce au miroir sonore qu'elle nous propose. De même que l'enfant se voit dans le regard de sa mère, nous nous ressentons dans le miroir musical à travers les affects du compositeur. La musique touche en chacun les affects originaires. Ces premiers affects liés aux éprouvés du corps sont irrémédiablement perdus avec les objets de notre enfance. Nous revivons toujours la déception de leur perte, la désillusion à laquelle nous cherchons indéfiniment consolation. La musique nous fournit cette consolation inespérée. Je pense ici au livre de Georges Duhamel intitulé « La musique consolatrice ». Consolation que la passion amoureuse peut aussi faire vivre dans ces moments brûlants. Il y a un pas maintenant que nous pouvons franchir. L'affect serait une anticipation de la rencontre du corps du sujet avec un autre corps imaginaire. C'est ainsi qu'André Green montre que les affects originaires sont liés au corps de la mère, comme les affects secondaires sont liés à la loi du père. Dans la musique, il s'agit bien d'une rencontre toujours espérée avec le corps imaginaire de la mère, même si l'analyse de la thématique et du style musical nous renvoie au code des sens paternels. En effet, la relation à la mère est première. L'affect se définit comme une relation à l'autre qui passe par la langue maternelle différente du langage. Richard Wagner écrit « Ce que peut exprimer la langue musicale est fait uniquement de sentiments et d'impressions. Elle exprime surtout dans une plénitude absolue le contenu sentimental de la langue humaine, dégagé de notre langue verbale qui est devenue un simple organe de l'entendement. Cette musique que j'avais entièrement en moi, dans laquelle je m'exprimais comme dans une langue maternelle. » Fin de citation. La musique nous restitue un objet auquel s'adonner, comme s'il s'agissait d'un retour à l'objet primaire. La forme musicale nous offre une structure de fiction, un objet leurre. Dans la toute petite enfance, l'affect est induit par les réactions de l'autre et est inducteur des réactions de l'autre par le rythme d'une part, par la mélodie d'autre part. Daniel Stern, psychologue et psychanalyste du nourrisson, auquel on s'intéresse de plus en plus depuis une dizaine d'années, remarque « Si je reprends ce qu'ont dit les philosophes il y a plus de 100 ans, on peut dire que la musique est le symptôme analogique parfait pour les affects et qu'il n'y en a pas d'autre. » Car l'affect surgit du déroulement temporel des événements et je suis convaincue que c'est comme cela que l'enfant éprouve les cours de l'expérience avec sa mère. La musique se déploie à l'identique des scénarios affectifs du bébé. Les éléments de l'intrigue se succèdent d'une façon temporelle, sur une ligne dramatique, dans la vie émotionnelle comme dans la musique. Allegro vivace, andante, moderato, cantabile, presto, staccato, etc. Dans l'ordre de l'affect, la musique est mouvement et liaison. La musique est du côté de la vie, même quand elle nous parle de la mort. Vladimir Yankelevitch écrit « La musique transporte et retient le musicien dans une sorte de présent éternel où la mort ne compte plus. Mieux, elle est une façon de vivre l'invivable de l'éternité. La musique, même quand elle semble funèbre, comme celle de Chopin, ne me parle pas vraiment de la mort. La musique ne parle que de la musique. Comme la poésie, parole enchantée, et comme la peinture elle-même, la musique est toute positivité. La musique est une parole qui dit oui. C'est une conquête sur le silence et sur le néant. Le charme, n'est-il pas vitalité ? Dans la musique s'exprime la puissance du charme, qui donne le goût de vivre et d'aimer. Être souvent un peu plus exalté que de raison, être heureux sans cause, n'est-ce pas là une douce ébriété que nous devons à la musique ? De son côté, le grand chef d'orchestre italien, Carlo Maria Giulini, nous livre ses réflexions. L'art en général, et la musique en particulier, exprime deux grands sentiments fondamentaux, la bonté et l'espérance. Je ne connais pas de véritable musique où il n'y ait pas de bonté et d'espérance. Bien sûr, la musique exprime la souffrance, au même titre que la joie, mais il n'y a aucun morceau de musique, de grande musique, sans l'amour de la vie, mais aussi l'amour de la souffrance et de la joie, sentiment essentiel de l'être humain. Ainsi, les affects sont bien ce qui est commun à la musique qui les exprime, et à la psychanalyse qui les recherche dans l'histoire de chacun de nous. Ils sont ce que nous avons éprouvé dans la trame la plus originaire de notre vie émotionnelle. Une psychanalyse sans affect serait un discours sans chair, une parole sans vive voix. Si elle n'est qu'un jeu de mots, elle devient artificielle et futile. Saisir la vie affective, c'est un art que doit cultiver le psychanalyste. S'il veut rejoindre son patient au cœur de ce qu'il recèle de plus singulier, de plus vivant et de plus profond. Il s'agit, dans la cure analytique, de ne pas se contenter d'entendre les mots, mais de comprendre, en deçà du langage, ce qui s'éprouve dans la vie intérieure du patient. C'est un échange vécu dans l'ordre, non pas de la raison, mais de la sensibilité. Deuxième proposition, la musique, comme la psychanalyse, a des affinités particulières avec la voix. Si l'acte de parole associe intimement l'affect et la représentation, dans le discours, comme dans la conversation ordinaire, l'affect est du côté de la voix. La voix est une métaphore de la pulsion. Elle est, pour reprendre une expression de Jacques Lacan, l'expérience la plus proche de l'inconscient. Instrument fondamentalement musical, la voix a libéré le son en l'arrachant aux choses. L'homme de la préhistoire a été capable de sons plus évolués que les grands singes. Grâce à la transformation de son appareil vocal, il y a de nouvelles connexions dans son cerveau. L'expression musicale, rythme et émotion, est survenue à l'aube de l'humanité. Homo erectus, grâce à la station verticale et à la libération de la main, commence à émettre des sons. Il se sert des muscles de son larynx et invente des rythmes avec ses bras et ses jambes. Comme le dit le roi Gouran, les paléanthropiens chantaient à peu près certainement davantage l'expression de sentiments que la formulation d'idées complexes. Chez l'homme d'aujourd'hui, l'orgage phonatoire a deux cavités, bouche et pharynx. Il permet une certaine virtuosité qu'Homo sapiens ne pouvait réaliser. Son élocution était plus lente et plus rudimentaire que la nôtre. Ainsi, depuis toujours, la musique vocale occupe une place particulière. Au commencement était le chant, dit Michel Serres. Revenons au petit homme d'aujourd'hui. Dans le baby talk, la mère infléchit musicalement son langage et le bébé entend d'abord, avant toute chose, cette musique maternelle, à laquelle il répond par ses vocalises et son babil. Qu'est-ce que le baby talk ? C'est le langage intonné par lequel les mères dans tous les pays et toutes les cultures s'adressent à leur bébé. Des traits communs existent, syntaxe très simplifiée, courtes expressions, timbre de voix plus élevé qu'à l'ordinaire, courbe mélodique accentuée, rythme de parole ralenti. Dans cette perspective, la voix de la mère, c'est de la musique, c'est la voix de la mère. Dès l'origine, le son musical se trouve ainsi pris dans un réseau symbolique. Les inflexions de la voix, bien avant les signifiants verbaux, constituent la langue maternelle originaire dont parle Wagner. Elles instaurent un sens émotionnel avant le sens langagier. La voix joue un rôle éminent dans la musique puisque c'est elle qui crée la mélodie. La mélodie de la voix résume le temps musical comme le font les instruments, qui sont des prolongements de la voix humaine. C'est bien dans le phrasé que réside le chant de l'instrument, qu'il soit instrument à vent, comme le hautbois ou la clarinette, ou à cordes, comme le violon ou le violoncelle, dont Rostropovitch dit qu'il est la voix humaine et qu'il est plein d'amour envers la vie. La musique est précisément l'aventure d'une ritournelle, écrit de son côté le philosophe Gilles Deleuze, qui poursuit « La ritournelle, elle est le contenu de la musique. La musique, c'est d'abord une déterritorialisation de la voix, comme la peinture est une déterritorialisation du visage. » Fin de citation. Nous voici revenus aux vocalises des premiers temps de la vie, celles que Winnicott, pédiatre et psychanalyste anglais, rangeait dans les phénomènes transitionnels. Ces phénomènes, comme leur nom l'indique, opèrent une transition entre la mère et son enfant. L'objet, la nostalgie, c'est la mélodie de la voix maternelle avec ses inflexions. Guy Rosolato, psychanalyste, écrit « On peut avancer que la voix maternelle est le premier modèle d'un plaisir auditif et que la musique trouve ses racines et sa nostalgie dans une atmosphère originelle. » Verlaine l'exprime dans son rêve familier. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même ni tout à fait une autre et m'aime et me comprend. Son regard est pareil au regard des statues et pour sa voix, lointaine et calme et grave, elle a l'inflexion des washers qui se sont tues. La musique vocale se déploie dans les œuvres sacrées qui scandent les moments importants de l'existence, la naissance, la vie, l'amour, la guerre, la gloire, le deuil, la mort, à travers les motets, oratorios, messes, telles dites du couronnement, Te Deum, Passion ou Requiem. Il existe aussi tout le répertoire laïque, les opéras, les oratorios, les mélodies, les lieder. La musique vocale unifie en une temporalité unique deux systèmes très différents, le langage qui isole, distingue, dénomme, et la musique qui exprime la vie intérieure sans pouvoir la nommer. C'est la raison pour laquelle toute l'histoire de la musique vocale raconte les rapports entre musique et parole. Il s'agit de trouver un équilibre entre l'aspect linéaire de la musique, le récitatif, scandé par les mots, et l'expression lyrique, l'aria, qui se soumet à la ligne mélodique et musicale. De ce dilemme, Richard Strauss fait le thème de son dernier opéra « Capriccio ». La comtesse va devoir choisir entre Flamand, le compositeur de musique, et Olivier, le poète. Quand la comtesse chante son dernier aria, elle laisse l'auditeur sur un point d'interrogation. Musique ou poésie? Dans l'esprit de la musique italienne, d'où est tiré le livret initial, il n'y a aucun doute. Prima la musica et poi le parole. J'ai écrit récemment un livre qui traite entre autres de ces questions, des vocalises de la passion, psychanalyse de l'opéra. La sonate de la voix maternelle, l'expression est de Pascal Quignard, convie le bébé à entendre tout à la fois la mélodie de la voix et l'escansion de la langue à laquelle la mère l'initie. Parler, c'est renoncer peu à peu au chant originaire pour entrer dans le monde de la communication socialisée. Ainsi, la musique vocale nous rappelle les liens indissolubles entre la voix maternelle et ce que nous retrouvons de cette voix en l'écoutant, notamment dans les œuvres lyriques. Plus proche de notre quotidien, le téléphone. Nul autre écrivain n'en a parlé comme Proust. À l'époque, connue encore de certains, où il fallait passer, pour toutes les communications, par celles qui nomment les ombrageuses prêtresses de l'invisible, les demoiselles du téléphone. On croit rêver devant cette évocation, à l'heure où les portables connaissent un succès croissant dans le monde entier. À propos de la voix grand-maternelle, écoutez au téléphone, Proust raconte, je le cite, « Présence réelle que cette voix si proche, mais sa voix elle-même, je l'écoutais aujourd'hui pour la première fois. Et parce que cette voix m'apparaissait changée dans ses proportions dès l'instant qu'elle était un tout et m'arrivait ainsi seule et sans l'accompagnement des traits de la figure, je découvris combien cette voix était douce. » Les nombreuses pages de Proust sur la voix s'inscrivent sur la toile de toutes ces expériences, de bonheur et de deuil, de présence et d'absence, de désir et d'adieu, j'y reviendrai. Si la musique a un rapport privilégié avec la voix, la cure psychanalytique est un jeu à deux voix. Écouter quelqu'un, c'est entendre sa voix. Entendre la voix d'un autre, c'est écouter dans le silence une parole qui vient d'ailleurs. Entendre quelqu'un, c'est accueillir dans le fond de soi les aménagements subtils et variés déployés dans l'espace aérien par l'expression la plus intime de l'autre. Écouter quelqu'un exige une attention particulière qui échappe aux conventions de la politesse et de la conversation habituelle. Il s'agit d'entrer en résonance avec la vie intérieure de l'autre dans son processus d'existence. Troisième proposition, la relation au temps est au cœur de la musique comme de la psychanalyse. La musique est l'art du temps. Elle est un jeu avec le temps. Plus précisément, la musique est l'écriture de la vie intérieure et chaque style musical est une écriture symbolique du temps. Par ailleurs, ce que l'enfant effectue dans son travail avec l'objet transitionnel de Winnicott est un apprivoisement du temps. Quelques mots sur cette notion. L'objet transitionnel dans nos civilisations, c'est le doudou, l'objet en peluche qui permet à l'enfant de reconstruire quelque chose dans sa relation avec la mère, par l'odeur et le toucher. De même, sucer son pouce et drap de son lit, vocaliser en son absence, tout cela constitue un substitut de la mère. Ce n'est pas la mère, mais c'est quelque chose de la mère, quelque chose qui n'est pas soi. L'objet transitionnel est choyé par l'enfant, mais aussi malmené, endommagé, souillé. Les mères ne doivent pas mettre le doudou dans la machine à laver. Il doit conserver l'odeur et la saleté familières à l'enfant. Ainsi, il traverse le temps de l'amour et de la haine, de la tendresse et du saccage. Il résiste au temps comme la musique. Celle-ci nous parle de joie, de tristesse, de colère, d'exaltation, d'euphorie et d'accablement. Les héros d'opéra chantent l'exaltation de l'amour, mais aussi meurent sur scène, sont assassinés ou se suicident. Ils triomphent parfois, exultent dans la passion partagée. C'est dire que la musique, dans sa forme achevée et reproductible, est toujours une victoire de la vie sur la mort. Elle traverse nos états d'âme les plus contraires, les plus contrastés et survit dans sa magnificence. En ce sens, elle représente bien l'apogée du destin de l'objet transitionnel sonore. Elle se déploie sur une ligne dramatique dans des rythmes variés évoqués tout à l'heure, allegro, andante, presto, etc. L'ennemi de la satisfaction durable est le temps, la finitude. Des mythes d'Orphée, de Narcisse au roman de Proust, le bonheur est lié à la reconquête du temps, le temps perdu puis retrouvé. Seul le souvenir procure la joie sans l'angoisse née du caractère éphémère de la joie. La musique nous aide à la reconquête du temps dans la liaison subtile qu'elle opère entre le souvenir et l'attente, à l'intérieur d'une forme close sur elle-même, indéfiniment revisitée. La musique n'est-elle pas le mirage heureux d'une durée soustraite à l'approbation et à la haine, au désir et au regret, où l'on pressent une promesse, l'annonce d'un retour, la fin de l'existence séparée? Le plaisir musical vient de ce qui nous arrache au temps de l'horloge, au temps du quotidien, pour nous faire accéder à une sorte d'éternité. Lévi-Strauss écrit si bien qu'en écoutant la musique et pendant que nous l'écoutons, nous accédons à une sorte d'immortalité. Ainsi, la musique est le référent imaginaire de son œuvre, consacrée aux mythes. Les mythes réparent, c'est leur fonction. Mais quand le mythe meurt, la musique devient mythique, de la même façon que les œuvres d'art, quand la religion meurt, cessent d'être simplement belles pour devenir sacrées. Ailleurs, Lévi-Strauss poursuit. Au fond, ce qu'il y a de profondément commun entre le mythe et la musique, c'est une attitude vis-à-vis du temps. La musique est dans le temps, mais en même temps elle abolit le temps, puisque l'œuvre, nous avons besoin de la percevoir comme une totalité. La musique, comme le mythe, raconte et répare les vicissitudes du destin en leur donnant un sens. La cure psychanalytique aussi est une reconquête du temps. Elle revisite le passé, notamment l'enfance, s'attache aux souvenirs, les élabore dans une reconstruction salutaire et redonne vitalité au temps présent, englué dans la souffrance et la répétition. Elle ouvre les portes de l'avenir et du sens. La neutralité bienveillante, l'écoute flottante de l'analyste, ces interventions empathiques sont là pour accompagner ce travail aussi longtemps que nécessaire. En conclusion de ma deuxième partie, je redis les trois propositions que je fais miennes, indiquant les liens de la musique et de la psychanalyse autour de l'affect, de la voix et de la relation au temps. Troisième partie, en quoi l'écoute analytique est-elle une écoute musicale ? Je vais montrer maintenant comment l'écoute analytique est musicale parce qu'elle saisit le patient là où il peut se remémorer ses affects, parce qu'elle l'aide à les partager avec l'analyse grâce au jeu de voix et à les ordonner dans une nouvelle temporalité vivante et créative. Le psychanalyste contemporain André Green, déjà cité, écrit « Je crois que je place la musique plus haut que tout, même plus haut que Shakespeare. Il est probable que cela n'est pas pour rien dans mon désir d'écrire sur l'affect. » Il poursuit « À mon avis, il existe deux grandes familles d'esprit en psychanalyse. Les analystes qui aiment la peinture et ceux qui aiment la musique, ils ne s'intéressent pas aux mêmes choses. » Je suppose que les analystes qui aiment la musique sont ceux pour qui l'affect a une dimension essentielle dans la psychanalyse et qu'à aucun moment ils ne peuvent se contenter des jeux du langage et des récits charmeurs. Il peut bien y avoir deux manières d'entendre la parole des patients. » Fin de citation. J'ai moi-même des raisons personnelles de m'intéresser à la musique et à la voix. Mon goût pour la voix est arrimé à ma vie affective, la mort de ma mère quand j'avais tout juste 5 ans. Mère musicienne qui chantait, faisait chanter les autres, lorsqu'elle dirigeait par exemple un choral de Handel au milieu du cirque de Gavarnie dans les Pyrénées. Mes cousins m'en parlent encore. De nombreuses années après sa mort, grâce à la voix intonée et nuancée de mon analyste femme, je retrouvais une structure encadrante sonore. Le deuil de l'objet primaire a pu se revivre à travers des affects, des sentiments partagés, et je n'ai eu de cesse que de renouer par le chant choral et la musique avec ma patrie originaire, sonore et musicale. Le linguiste et poète Henri Méchonic a raison. Il écrit « La vie intellectuelle est incompréhensible, impossible même, sans l'affect. » Si je vous parle aujourd'hui de l'écoute musicale et analytique, c'est parce que ce sujet me tient à cœur. Ces témoignages montrent que le métier d'analyste peut se pratiquer grâce à une écoute particulière. Un de mes collègues lui donne un nom, l'écoute opéra. Il est vrai que l'histoire de l'opéra est traversée par ce fameux dilemme, rappelé il y a quelques instants, qui soutient l'intrigue de Capriccio, prima la musica et poi le parole. Avec nos patients, si notre oreille est musicale, nous sommes d'abord sensibles à l'écoute de leur voix, de son rythme, de ses intonations, du souffle qui la soutient, et secondairement, à l'écoute des mots ainsi que de leur signification. Une de mes patientes, engagée dans des études universitaires, vient me demander une psychanalyse pour retrouver ses sentiments. Elle se sent coupée de ses émotions. Sur le divan, elle est sans voix. Elle qui manie avec élégance et subtilité la langue, telle que je peux la lire dans les écrits qu'elle m'adresse parfois. Aujourd'hui, elle a retrouvé sa voix, une voix ténue et fluette, grâce à laquelle elle raconte son dénuement psychique et sa détresse infantile. N'étant pas une analyste silencieuse, je pense lui avoir fourni tout au long des années une structure encadrante sonore. Bien avant mes paroles, elle a pu intérioriser ma voix et ses inflexions rythmées. Ces inflexions ont créé une fiabilité sonore, me faisant passer progressivement du statut de poumon artificiel et de colonne vertébrale soutenant le squelette, c'est ainsi qu'elle parlait de moi, à celui d'une personne vivante qui peut lui proposer, dans ce dialogue interactif, une compréhension et une connaissance affective de son histoire. Ma patiente a souffert d'une perturbation grave des interactions sonores. C'est la fonction émotionnelle et expressive du langage qui n'a pas pu se développer, là où l'apprentissage de la langue ne faisait pas défaut. Pour moi, le sonore est bien le premier organisateur psychique de l'objet. La toute première construction de l'objet sonore est prénatale, comme les études récentes le montrent aujourd'hui. Ma patiente n'a pas pu construire une expérience de continuité et de confiance à partir de l'enveloppe sonore maternelle. La musique qu'elle affectionne particulièrement a remplacé pour elle ce rythme et cette mélodie défaillante car elle pouvait l'écouter, se laisser bercer par elle, avant sa rencontre avec l'analyse. Le but de la cure analytique avec ma patiente est de réunir le sens et la signification. Le sens est la donnée sémiotique, véhiculée par la voix et sa fonction symbolique, et la signification est la donnée sémantique, véhiculée par la langue. Nous avons montré comment l'absence des interactions sonores avec sa mère l'avait rendue sans voix et sans continuité psychique, alors même qu'elle avait pu apprendre, grâce au travail de son moi, la langue et la signification des mots. Si l'analyse réussit à recréer valablement et durablement l'ère transitionnelle défectueuse, l'affect d'existence reprendra vie et soutiendra une nouvelle cohérence psychique. Ma patiente, privée de l'accordage affectif avec sa mère, est venue tenter de retrouver avec moi, non pas ses facultés langagières, mais sa voix, ses émotions et ses affects. Tout récemment, cette phrase de Samuel Beckett lui revient, « Le sujet meurt avant d'atteindre le verbe. » Puisse ma patiente revivre dans son intégrité subjective. Un autre de mes patients, enfermé dans une problématique envahissante de mère phallique et violente, s'en dégage progressivement et me dit, « Au fur et à mesure que mes fantasmes défilaient, je pensais à votre voix douce et amicale. » Françoise Dolto écrit, quelque chose de l'ordre du cœur à cœur se passe chez quelqu'un qui nous écoute, alors que nous ne savons pas ce que nous disons. Nous papotons, comme tout le monde d'ailleurs. Mais nous savons que nous papotons. Communiquer, c'est la tangentielle à la vérité. Mon expérience avec autrui est d'être perpétuellement, par le fait de ma place, tangentielle pour eux, à leur vérité, grâce à quoi elle se fait jour chez eux. Chez l'analysé, la qualité dynamique de la voix, comme son timbre, vient nuancer la mélodie. Sa pente indique tout à coup l'état dépressif ou mélancolique. À l'intérieur ou au cours de la relation, l'analysé a toujours des problèmes de voix et de timbre. De l'enrouement à la brisure, du bégaiement à l'éructation, du susurrement au ton monocorde, de la sidération à l'emphase. Si l'on examine la pathologie vocale, on reconnaîtra l'hystérique à son maniérisme, car sa parole sonne faux et les variations de hauteur ne sont pas toujours liées au sens. L'obsessionnel, de son côté, manifestera une voix coupante, sèche, contenue, froide. Il pourra exploser aussi, comme le faisait Hitler. Le docteur Vicard écrit à son propos, « J'observe anxieusement la lente défaillance d'un de ceux que le prestige sonore et l'éloquence déchirante ou poussé de la plus infime situation à la plus élevée, j'ai nommé Hitler. Les difficultés vocales de cet orateur semblent augmenter lentement et se manifestent par de véritables cris dans l'aigu, par certaines syllabes hachées et comme aboyées, cependant que l'ensemble du discours se réfugie dans les sonorités basses, durement appuyées, pour trouver le timbre nécessaire. » Fin de citation. Il y a aussi la voix du schizophrène qui se protège de la voix de la mère, intrusive et mauvais objet. Louis Wolfson, dans Le schizo et les langues, raconte qu'il ne supporte pas d'entendre la voix de sa mère. Chaque mot qu'elle prononce le blesse, le pénètre et résonne intrusivement. Dès que sa mère approche, il mémorise dans sa tête une phrase d'une langue étrangère. Comme le montre Gilles Deleuze dans sa préface, « La mère prétend faire vibrer l'oreille de son fils à l'unisson de ses cordes vocales à elle, sa voix très haute et perçante et peut-être également triomphale. Ce ton de triomphe qu'elle avait en pensant pénétrer son fils schizophrène de mots anglais, semblant si rempli d'une joie macabre par cette bonne opportunité d'injecter les mots qui sortaient de sa bouche dans les oreilles de son fils, son seul enfant, ou comme elle en avait de temps dit, son unique possession. » Dans ce contexte, on comprend que la relation d'altérité est totalement niée. Le fils ne peut qu'apprendre des langues étrangères pour convertir les mots anglais en mots étrangers. Il vise à neutraliser la langue maternelle. Il y a bien aussi un miroir sonore pathogène si la voix de la mère est discordante, brusque ou impersonnelle. Dans une perspective plus agréable et rassurante, on peut aussi parler du langage des amants, qui s'apparente au baby talk évoqué tout à l'heure, empreint d'intimité et de douceur. On peut tomber amoureux d'une voix, véritable coup de foudre sonore. Chacun a sa voix, reconnaissable, singulière, indice de la personnalité aussi sûr que les empreintes digitales. Un échantillon précis peut en être cueilli dans un laps de temps qui va de 45 à 70 secondes. Cet échantillon vocal, qui nous renseigne tous les jours sur la personnalité et l'humeur de nos correspondants téléphoniques, peut être d'un grand secours dans certaines enquêtes policières. Je pense à l'affaire Grégory, où beaucoup d'efforts, vous en souvenez, avaient été tentés pour analyser la voix du corbeau. Plus récemment, je lisais que, à propos d'AZF, on espérait aussi traquer une voix. De même que cette voix nous fournit des informations précieuses sur les personnalités diverses et variées que nous écoutons à la radio ou à la télévision. La voix, les mimiques des hommes politiques sont tout particulièrement intéressantes à analyser. Grâce à tous ces exemples, je crois vous avoir montré l'importance de l'écoute des affects à travers la voix. Ainsi, pour moi, comme pour d'autres psychanalystes contemporains, la découverte de l'autre humain passe fondamentalement par l'émotion, mode de rencontre et de connaissance dont la voix nous fournit une expression fiable et authentique. À ce propos, Wilfred Bion, de l'école britannique, se démarquant de la tendance trop intellectualiste de la psychanalyse française, notamment lacanienne, écrit « L'émotion est mère de la pensée, penser sur soi et penser sur l'autre ». Dans la cure psychanalytique comme dans la musique, je l'ai rappelé il y a quelques instants, il s'agit d'une reconquête du temps. Le patient doit s'arracher au temps de l'angoisse, de la dépression ou du morcellement. La répétition doit devenir dans la cure élan et devenir. Au temps perdu et pathologique de la fixation au passé, elle substitue le temps retrouvé de l'élan vital. Pour que la psychanalyse soit vivante, à l'instar de la musique, l'affect doit en être la trame. L'affect d'existence doit être repris dans le mouvement du langage et accéder, comme le souhaitait Freud, à la représentation de mots. Enfin, last but not least, musique et psychanalyse invitent à la communication. La musique est toujours adresse, appel, dédicace. Elle est le contraire du solipsisme, c'est-à-dire de l'enfermement en soi-même, car on ne fait jamais de musique pour soi et tout seul, mais toujours pour l'autre, même s'il est absent ou disparu. La psychanalyse se donne aussi pour but, par l'affect partagé et le jeu à deux voix, d'accéder à l'autre en nous désaliénant de nous-mêmes. Elle permet que l'autre ne soit plus la projection de notre fantasmatique personnelle. Elle ouvre à sa vérité dans la dimension de son indépassable altérité. Vous l'avez compris, il y a bien deux manières d'écouter les patients, où l'on attache plus d'importance aux affects et aux émotions, en cherchant à les partager par empathie et à leur trouver une nouvelle expression libératrice, porteuse de sens, où l'on attache davantage d'importance aux mots et à leur signification. Le langage est alors au premier plan et on s'intéresse moins à la communication non-verbale proche de la musique. Lacan affirmait « l'inconscient est structuré comme un langage », ce disant, il se rattachait au courant de la linguistique en omettant la fonction expressive et émotionnelle. En guise de conclusion, je reparlerai de Proust et de la musique. Comment l'auto-analyse de Proust nous convie à l'écoute de ses affects par le truchement de sa voix dans l'écriture éminemment musicale. Proust a été élevé par deux femmes, sa grand-mère et sa mère, toutes deux des musiciennes accomplies. Elles passaient plusieurs heures par jour au piano. Proust écrira d'admirables pages sur la voix maternelle à propos de la lecture par sa mère de François Le Champy, livre de George Sand. Il écrit « Elle insufflait à cette prose si commune une sorte de vie sentimentale continue. » Le narrateur poursuit « Mes remords étaient calmés, je me laissais râler à la douceur de cette nuit où j'avais ma mère auprès de moi. » Dans ce monde des sons, auquel Proust attache la plus grande importance, voire la prééminence, la voix maternelle joue le rôle de miroir sonore, calmant dans le soir de la nuit l'angoisse de l'enfant qui craint de perdre l'objet d'amour. Grâce à ces impressions primordiales, la mémoire musicale devient nostalgie du bonheur. La musique est comme un être humain, elle nous met dans l'attente avec le désir de trouver l'objet et de le posséder. Puis elle nous confronte à sa disparition, nous faisant espérer son retour comme dans l'amour. Ainsi en est-il de la petite phrase de la sonate du musicien Vinteuil, alias Saint-Saëns. Dans un amour de Swann, il est question de l'amour d'Odette et de Swann ressurgit grâce à la musique. Swann, douloureusement marqué par son amour perdu, assiste à un concert au milieu de gens qui l'ennuient. Voici ce qu'écrit Proust. Il souffrait, et au point que même le son des instruments lui donnait envie de crier, de prolonger son exil dans ce lieu où Odette ne viendrait jamais. Personne ou rien ne la connaissait, d'où elle était entièrement absente. Mais tout à coup, ce fut comme si elle était entrée. Et cette apparition lui fut une si déchirante souffrance qu'il lui portait la main à son cœur. Et avant que Swann eût le temps de comprendre et de se dire « C'est la petite phrase de la sonate de Vinteuil, n'écoutons pas », tous ses souvenirs du temps où Odette était éprise de lui et qu'il avait réussi jusqu'à ce jour à maintenir invisible dans les profondeurs de son être, trompé par ce brusque rayon du temps d'amour qu'il crut revenu, s'était réveillé et à tire d'aile était remonté lui chanter éperdument, sans pitié pour son infortune présente, les refrains oubliés du bonheur. En même temps que nous sommes sous le charme de la musique de la petite phrase, elle est mémoire apaisée de l'expérience amoureuse dont elle aide à surmonter le deuil. Dans ce contexte, qu'est-ce que le bonheur pour Proust? Sinon l'approche irrémédiablement fugitive et nostalgique du premier des bonheurs, l'amour maternel. Trouver un objet, c'est le retrouver, écrit Freud en 1905. En écho, Proust lui répond « J'avais compris que mon amour était moins un amour pour elle qu'un amour en moi. » Si l'œuvre de Proust nous touche, c'est parce qu'elle est comme les œuvres musicales proches des affects primaires dont nous parlions en commençant. La mémoire involontaire est une mémoire affective, fondée sur les éprouvés du corps. En évoquant ces impressions et en les mettant en mots, Proust s'adresse à chacun de nous, car à travers ses propres fantasmes et ses rêveries, il interpelle les nôtres à propos de situations clés de l'existence. L'imaginaire roman de Proust confère une incroyable vitalité à la vie psychique, à l'instar de Freud qui nous convie avec la psychanalyse à mettre nos vies en roman. Ainsi, né 15 ans après Freud, Proust se livre à une formidable auto-analyse et devient un des plus grands écrivains de son temps, écrivain qui a sa voix reconnaissable entre toutes. Sa prose musicale, s'il en est, se prête à notre écoute grâce à la mémoire involontaire, mémoire affective aussi vivace et subtile que celle de nos patients, illustrant bien ce que j'ai tenté de montrer tout au long de cette conférence. Merci à Proust et merci à vous de m'avoir écouté. C'était Éloge du savoir aujourd'hui, la cité de la musique avec Marie-France Castarède, psychanalyste. Présentation Christine Goémé, réalisation Dominique Briffaut. Les hommes. Les voix. Barbati, tu m'enseignes. Je me souviens. Dimana. Les hommes. Les voix. Mémoire vive. Memoria viva. Memoria viva. Tu m'impliques. La radio. J'apprends. Écoutez. Vous êtes sur France Culture. Cette semaine, sur vos radios web, sur franceculture.com, Les Sentiers de la Création nous emmènent à la Biennale de Venise, à la rencontre de la plasticienne Annette Messager. Cap sur Carthage, pour y retrouver un poète, Édouard Glissant. Passons aussi des journées entières dans les arbres, avec Marguerite Duras, et écoutons les histoires sans images d'Alain Resnais. Dans les chemins de la connaissance, autres histoires, à travers les archives INA, la liberté de la presse en France au XXe siècle, entre ouverture et recul. Hors les murs, à la Bibliothèque Nationale de France, le regard des autres, celui de l'écrivain sud-américain André Brink. Les origines de la vie, au Muséum d'Histoire Naturelle, de l'évolution prébiotique à l'évolution biologique. Enfin, à Lima, l'immigration en question, l'Europe et la politique des quotas. À la carte, les sentiers de la création, les chemins de la connaissance, 24 heures sur 24 sur franceculture.com. France Culture, partenaire. Festival international du film de La Rochelle du 1er au 11 juillet. Fiction, documentaire, avant-première et films inédits, 180 films du monde entier présentés dans le cadre d'hommages, de rétrospectives, de découvertes. Anna Karina, Lee Woodman, Blake Edwards, Ritty Pan, Sam Bene Ousman, Louise Brooks, Michael Powell, Pavel Pavlikovski sont quelques-uns des réalisateurs ou acteurs à l'affiche de cette 33e édition. Festival international du film de La Rochelle, du 1er au 11 juillet, à retrouver dans les émissions de France Culture, en direct de La Rochelle, vendredi 1er juillet. Tout arrive à midi, travaux publics à 18h30, et dimanche 10 juillet, projection privée à 22h10. France Culture vous offre des places, vos réservations au 08 92 68 10 99, touche 3, rubrique place de spectacle, 34 centimes d'euros la minute. Je suis un héros, mais le moment venu, tu ne le croiras plus. Dans tes yeux, je suis plus qu'un homme, je ne peux qu'échouer, faut que tu me pardonnes. Pas facile d'être un père quand on est encore un fils, non pas facile. La colère, non pas facile. Les sacrifices, non pas facile d'être un père quand on est encore un fils et qu'on veut sa maman. Qu'on veut maman. Pas facile d'être un père quand on est encore un fils. Être la pierre angulaire de tout un complexe édifice, non pas facile d'être un père quand on